Chanson d'automne, poème de Paul Verlaine, du recueil Poèmes saturniens, édité en 1866, lu par Charles Deleuze pour audiocité.net, audiolivre gratuit, enregistré en 2020. Chanson d'automne. Les sanglots longs des violons de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte deçà, de là, pareil à la feuille morte.